Atlantean. Bonsoir, bienvenue à l'émission Les Échangeurs d'air à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Ici Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Ce soir, je vous propose un choix musical en dents de scie. On passe des musiques d'inspiration médiévale et de la Renaissance à la chanson francophone, ensuite au rock alternatif et psychédélique pour finir avec des trucs plus contemporains, expérimentaux et ambiants. On débute l'émission ce soir avec une chanson du compositeur français de la Renaissance, Pierre Passereau, interprétée par les King Singers. Allons-y. Thank you. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans ce premier bloc la pièce Zop, Giles Farnaby's Dream, du groupe britannique The Penguin Café Orchestra. C'est extrait de leur premier album Music from the Penguin Café, un album qui est paru en 1976. Le Penguin Café Orchestra est un groupe qui a été fondé par le regretté Simon Jeffes. Ça a été précédé par Girlfriend du musicien japonais Hajime Tachibana. C'est extrait de son album Bambi qui est paru en 1991. Juste avant, vous avez entendu le prélude numéro 1 de Jean-Sébastien Bach interprété par The Swingle Singers. C'est extrait de l'album Bach's Greatest Hits, un album qui est paru en 1963. Ça a été précédé par The Ars Maggot du groupe britannique Giles Farnaby's Dream Band. C'est extrait de l'album Giles Farnaby's Dream Band, un album paru en 1973. Ça a été précédé par un extrait de la pièce Caramella de Karen Young. C'est extrait de son album Âme, Corps et Désir, un album paru en 2007. Et on a débuté ce segment avec Il est bel et bon du compositeur français de la Renaissance Pierre Passereau. C'est interprété par l'ensemble anglais de Kingsingers. Et c'est extrait de leur album A Portrait of the Kingsingers, un album qui est paru en 1981. On poursuit avec The Orange Symphonette. Thank you. Thank you. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans ce dernier bloc le thème musical du film de Roman Polanski, Cul-de-sac, un film de 1966, composé et interprété par Christophe Komeda, et c'est extrait de la bande originale du film Cul-de-sac. Ça a été précédé par Valse de la Demoiselle aux yeux verts de Pascal Comelade. C'est extrait de son album El Primitivismo, un album paru en 1987. Juste avant, vous avez entendu L'Uccello Magico du compositeur italien Nino Rota. C'est extrait de la bande originale du film Le Casanova de Federico Fellini, qui est paru en 1976. Ça a été précédé par Xavier à la maison d'arrêt du compositeur français François Droubet. C'est extrait de la bande originale du film La Scumune, un film de José Giovanni qui est paru en 1972. Et on a débuté ce segment avec la pièce Midnight Cowboy, pièce composée par le compositeur anglais John Barry, mais interprétée par l'ensemble américain Orange Symphonette. C'est extrait de leur album The Orange Album, un album paru en 1998. Après la pause, Ramon Pipin's Odeur. QI, un gros bunker. C'est là? Nouvelle droite. Foie d'affruit à vous. Votre planète est en danger. Un petit atome qui se balançait dans une grosse molécule. Ce petit atome qui s'ennuyait. Photon dans l'infrarouge, même infrarouge, un seul photon, ça peut rompre une liaison. Le petit atome ainsi balancé quitte à sa chère molécule. Pauvre molécule, décomposée, ça lui fait mal à la formule. Mais le petit atome dans un beau cristal va t'a trouver une vacance. Oh les vacances, originales, quand les neutrons ouvrent le bal. Était comme au ciel, entouré d'autres molécules. Le petit atome interstitiel, ne craignait plus le ridicule. Oh,

dans d'énormes usines, isolées du monde, entourées d'un réseau de sécurité et dont bâtiments et terrains couvraient 24 000 hectares, 75 000 personnes coupées de l'extérieur pendant des mois travaillaient à la réalisation de la bombe atomique. On the pathway to forgiveness, I break my feet on the beauty of your stairs. And every step I try to take, I realize it's all a fake. There is a garden full of beauty. There is a garden I will never see. Sunshine, I burn my tongue in the beauty of your grace. And every time I feel your ire, I know I'll end up in hellfire. I lose my mind at the sight of all the beauty. I lose my mind at the sight of your delight. And every time I sense your shine, I feel a crack along my spine. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous venez d'entendre dans ce dernier segment la pièce There is a Garden du musicien allemand Felix Kobin. C'est extrait de son album Suppe für die Nacht, un album paru en 2006. Ça a été précédé par La Java des bombes atomiques, une pièce de Boris Vian, interprétée ici par Yann Hérode. C'est extrait de la compilation Boris Vian et ses interprètes, chansons impossibles, une compilation parue en 1991. Ça a été précédé par la pièce Radioactive du chanteur R. Wan. C'est extrait de son album Radio Cortex, un album paru en 2006. Ça a été précédé par Le Petit Atome du quatuor vocal français Les Quatre Barbus. C'est extrait de leur album Les Quatre Barbus, un album paru en 1967. Juste avant, vous avez entendu Tiens, tiens, tiens, revoilà les bombes du groupe français Zigzazou. C'est extrait de l'album En mille morceaux, un album paru en 2002. Et on a débuté ce segment avec La Nouvelle Droite de Ramon Pipin's Odeur. C'est extrait de l'album 1980 No Sex, un album paru en 1979. On poursuit avec Calling Overtime de la chanteuse américaine Edith Frost. Thank you. êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans le dernier bloc Signal Blue du groupe britannique The Sound Carriers, cet extrait de l'album Antropicalia, un album paru en 2014. Ça a été précédé par Oppressions Each du groupe californien Bright Black Morning Light, cet extrait de l'album Motion to Rejoin, un album qui est paru en 2008. Ça a été précédé par Palomino, du guitariste britannique Bobby Lee, cet extrait de l'album Shakedown in Slaptown, qui est paru en 2020. Et on a débuté le bloc avec Calling Overtime, de la chanteuse américaine Edith Frost, cet extrait de son album Calling Overtime, un album paru en 1997. Je vous rappelle que nous avons un blog dont le lien est disponible dans le site de CKRL. Vous avez tous les détails de la programmation et vous pouvez aussi réécouter les émissions en archive. Après la pause, Star de Shintaro Sakamoto. Whoa, whoa, whoa. detta här då uchi nukareta mama de Oh, à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans le dernier bloc la pièce The Hall du groupe américain Silver Apples. C'est extrait de l'album The Garden, un album paru en 1998. Il s'agit de pièces inédites du groupe Silver Apples qui viennent des sessions d'enregistrement de 1968 et 1969 et qui sont parues sur le disque The Garden en 1998. Juste avant, vous avez entendu Pale and Precious du groupe britannique The Dukes of Stratosphere. Il s'agit en fait du groupe XTC dans leur incarnation psychédélique. C'est extrait de l'album Psonic Sunspot, un album paru en 1987. On a débuté le bloc avec la pièce Star du japonais Shintaro Sakamoto. C'est extrait de son plus récent disque Like a Fable qui est paru plus tôt cette année. On poursuit avec le groupe Longshoremen. What does it all mean? Sick, beat, cool, jazz. All mean, beat, cool, jazz. Espresso machine, scene, kooks, look, new, beans, take, pot. Thelonious Monka meets Mort, salt, grainy, addicts, main, horse. A square drunk, bugs, druggies, bear, commie, chicks, ball, Bruce, hungry, I, stand, up comedian, progressive, intellectual, private, I, Peter, gun, pops, pills, bye, chicks, pads, pools, ugly American, James, Bond, buys, jets, splits, pizza with a weirdo, a stand gets, kicks, off, beat, hint, house, way, out, television personalities out, in, high, five, irrational, existential rebel, lounge wit, ad-lib, improv, expert, associate, Sartre, time, with, anguishes, idioms, primitive time plain means nothing to Bob and Schultzy sports commies slacks sculpts GGs modern stereo flattens modern dance rockets children into need for the car of the future putra huts past with experimental design means dual scoops, planks, decks, long low lines, custom satellite style dash, board, sports, push, button control air, shocks, floats, fiber, glass, chassis, luxury recessed interior, dials, glide, fore, aft, tail, fins, low with innovative highlighting. Dig it. I wear a cheap suit, look at my wristwatch, pursue my haircut, read the time, eat breakfast with the bell, go to the men's room and fix my ties. Every hair in place, every cent divine. I make a note of the bellhop. He said your legs were fine. He said he forced you with a pair of pliers when you happened to be supine. He didn't use the utensils that the clientele had supplied. It's such a similar story. So then you glanced over in a thigh. Every time I reach the glory, I think I'm getting such a real goodbye. The moon echo flexed, the night was inviting. Jived with a bellhop, dream walked in. He checked his crust, till your legs were biting. Business smelled of formaldehyde. Smile shone as starlight, you were so supine. He stood back a pair just to make an impression. The door was ajar and the laundry piled high. He entered and noticed the pair of pliers with that special something in mind. He looked at you, he looked at the pliers. That's when he noted your legs were fine.

guess. 'Cause all day long I sit in the kitchen and stare out the window at the yard. I don't wash the floor, I don't clean the mess. I'm just plain lazy, I guess. I'm just plain lazy, I guess. I'm just plain lazy, I guess. I'm just plain lazy, I guess. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce dernier bloc? Vous avez entendu la pièce Lazy de Mo Tucker, Maureen Tucker. C'est extrait de son album I Spent a Week There the Other Night, un album qui est paru en 1991. Juste avant, vous avez entendu la pièce Ricky du groupe américain Bottle Surfers. C'est extrait de l'album Airway to Steven, un album paru en 1988. Ça a été précédé par I Hear the Rain des Américains Violent Femmes. C'est extrait de l'album Hallowed Ground, un album paru en 1984. Ça a été précédé par I Talk to My Haircut de Fred Lane, Ron Pates Debonairs. C'est extrait de l'album From the One That You, un album paru en 1983. Et on a débuté ce bloc avec What Does It All Mean des Américains Longshoremen. C'est extrait de la compilation Clubfoot, une compilation parue en 1981. Après la pause, le groupe The Residents. êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Donc, vous avez entendu dans ce dernier bloc Soleil d'Orque, du groupe de rock progressif français Magma. C'est extrait de leur album Oudou Woudou, un album paru en 1976. Ça a été précédé par la pièce Mariana Deep, du groupe britannique Pram. C'est extrait de l'album The Moving Frontier, un album paru en 2007. Juste avant, vous avez entendu la pièce 70 des Français Gilbert Cohen et Ariel Calma. C'est extrait de l'album Head Voices, un album paru en 2020. Et on a débuté ce bloc avec Fairly Well des Américains The Residents. C'est extrait de l'album Not Available, le Preserved Edition, un album qui est paru en 2019. La version Preserved Edition contient plein d'inédits, donc il s'agit d'une pièce inédite qui n'est justement pas disponible sur la version originale du disque Not Available. On poursuit avec The Accent Cloak. Thank you.

cet extrait de l'album Étude, un album paru en 2015. Ça a été précédé par la pièce Swingin' de la compositrice et luthière américaine Ellen Fullman. Cet extrait de l'album The Long String Instrument, un album paru en 1985. Ellen Fullman joue ici d'un instrument particulier. En fait, il s'agit de longues cordes qui sont accrochées d'un bout à l'autre d'une pièce. Et elle marche lentement tout en frottant les cordes, ce qui crée des drones et des harmoniques. Ça a été précédé par Maritime Rights Wasserkorso du compositeur américain Alvin Curran. C'est extrait de son album Lost Marbles, un album paru en 2004. Et on a débuté ce bloc avec Raven's Lament du groupe britannique The Axon Cloak. The Axon Cloak, c'est le projet du musicien Bobby Clerk. C'est extrait de l'album The Axon Cloak, un album paru en 2011. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre blog dont le lien est disponible dans le site web de CKRL. Vous aurez tous les détails des musiques diffusées dans cette émission et les émissions aussi archivées. Alors c'est tout pour nous ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à la semaine prochaine.